Après cet entretien, le comte va obliger Figaro à épouser Marceline ou à lui rendre l'argent prêté. Remboursement toujours impossible pour Figaro. Mais on découvre alors que Figaro est le propre fils de Marceline et du docteur Bartolo. Découverte qui détruit tous les projets du comte.